à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet. C'est une nouvelle édition de la saga des Fab Four. Alors, comment ça se passe pour vous? Nous sommes au mois de septembre 2016. Ça, c'est juste pour vous prouver que nous sommes en direct. Nous sommes le 14 septembre, voilà. Et il est 20h passé de quelques secondes, même 20h01. Et donc, c'est la 304e, si je ne l'ai pas dit, saga des Fab Four, avec pour album de la semaine, Ringo. Ringo 5.1. Ah oui, Ringo, il est au fait de la technique et il nous a remixé des chansons à lui qui datent des années 2000. Et vous allez voir, c'est plutôt très très bien parce que j'aime bien pouvoir vous prouver que Ringo aussi a du talent. Ringo aussi vaut le coup d'entendre. Il a aussi de très belles chansons. On écoutera Choose Love, on écoutera Never Without You, Eye to Eye, Oh My Lord, Don't Hang Up avec Chrissy Hynde et également Elizabeth Rains en fin d'émission. Il y aura également du George Harrison, du John Lennon, du Paul McCartney et des Beatles, forcément. Pour George Harrison, ce sera What is Life sur l'album All Things Must Pass en 1970. Pour John Lennon, pourquoi pas écouter Sleeping and Sliding sur l'album Rock and Roll en 1975. Il y aura également Let Me Roll It pour Paul McCartney, extrait de Band on the Run en 73. Et pour les Beatles, par exemple, Drive My Car sur Rubber Soul en 1965. Voilà, voilà le début de la saga des Fab Four. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four. Vous demandez à être membre et on vous fait membre très très vite. Et vous verrez tout en haut, il y a une publication épinglée. C'est là qu'on parle de la saga de la soirée. Voilà, ça c'est pour Facebook. Il y a également macaclub.com. Vous allez dans la rubrique La Saga des Fab Four et vous pouvez parler avec les fans de Macaclub et également moi, puisque j'y suis aussi. Et sur Twitter, il y a le comment on appelle ça là, le slash là ou quelque chose comme ça, dièse, oh zut, hashtag, merci de me l'avoir soufflé, hashtag saga Fab Four. Voilà, vous savez tout, je pense qu'on peut commencer cette saga. Bonsoir à tous et à toutes encore une fois, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Le premier titre de cette saga des Fab Four consacré à Ringo Starr en son amélioré sur l'album 5.1 que j'ai acheté exprès pour vous. Voici Choose Love sur RIG. Bonne soirée. Choose love. The long and winding road is more than a song. Tomorrow never knows what goes on. To live your life right, you got to let in the light and let all the darkness go. Choose love. is love. L'album 5.1 est sorti en 2008, mais la chanson a son origine en 2005. Des années auparavant, en 1970, toujours la guitare électrique, c'est George Harrison et What is Life sur RG 90.7. Restez branchés. I'm George Harrison écrit au sujet de cette chanson. What is Life a été écrit pour Billy Preston en 1969. J'ai écrit ça très rapidement, 15 minutes ou peut-être une demi-heure, en chemin pour les studios olympiques à Londres, pendant que j'étais en train de produire un de ses albums. Peut-être à cause de la situation au moment de la session, ça a été trop difficile d'aller dans cette direction-là. Et j'ai dit, j'ai écrit une petite chanson sympa. Et pendant que Billy faisait ses trucs funky. En fait, après, je l'ai fait pour moi plus tard dans l'album All Things Must Pass. Voilà. C'est tout ce qu'il dit à propos de cette chanson-là. Mais donc, c'est intéressant de savoir que cette chanson a été écrite à l'origine pour Billy Preston. Rock'n'roll comme on l'aime, Slippin' and Sliding sur RG. I'm Paul McCartney que c'est un caméléon. Il est capable de reproduire le style de quasiment n'importe qui, de n'importe quoi. Et bien là, en 1973, il s'est amusé à faire du Lennon. Écoutez un petit peu le style, la voix avec de l'écho dedans, avec les riffs de guitare comme ça. On dirait du Lennon. Lennon aurait pu chanter Let Me Roll It. Mais c'est Paul McCartney qui l'a fait. Et c'est très bien. Nous avons écouté du Ringo Starr, du George Harrison, du John Lennon, du Paul McCartney. Il ne reste plus qu'à mélanger le tout pour que ça donne les Beatles. Et puisqu'on parle des Beatles, on parle de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Si vous voulez tout savoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur tout ce qui se passe autour des Beatles, sur McCartney et Ringo Starr, puisque ce sont les deux qui sont encore là, heureusement, les tournées de ces deux gars-là, mais également les albums qui sortent, les gens qui gravitent autour de ces gens-là, et bien, même sur Lennon et sur Harrison, s'il sort quelque chose, allez sur BeatlesMagazineUK.com, BeatlesMagazineUK.com, pour vraiment tout savoir, 365 jours par an, sur les Beatles. Merci, Lovely Rita, et vive le Beatles Magazine, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et sur bien d'autres plateformes. Let's go. Back, back, back, back, back. Yeah, yeah, yeah, yeah. Asked a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something. It's all very fun, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I'll love you. Beep, beep, beep, beep, Nous sommes en 1965. À la première écoute, Drive My Car, il semble que les Beatles proposent simplement à une baby de prendre le volant de leur voiture. Mais une relecture plus aiguisée des paroles indique que c'est au narrateur qu'il est proposé de conduire. Il essaie de draguer, faisant appel à une accroche rebattue. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qui peut être une promesse d'avancement en échange de faveurs sexuelles. La femme lui répond qu'elle veut devenir une star de cinéma et renverse les rôles en lui disant qu'elle acceptera peut-être, et seulement peut-être, qu'il lui serve de chauffeur. Et c'est alors à l'homme de plaider sa cause, disant qu'il est un bon parti. C'est un bon renversement de situation qui a pu être inspiré par les femmes rebelles que les Beatles avaient rencontrées aux États-Unis. Paul se souvient qu'il s'agit de la seule chanson sur laquelle il était vraiment resté bloqué. John a toujours reconnu qu'il s'agissait d'une chanson de Paul pour laquelle il avait donné un coup de main de dernière minute. Paul, lui, déclara « Ces changements de dernière minute ont rendu la chanson nettement meilleure ». Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson « Drive My Car ». On revient à l'album de la semaine avec une chanson hommage à George Harrison de la part de Ringo Starr. C'est « Never Without You » sur RG. L'album de la semaine, c'est Ringo 5.1. We were young, it was fun, and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights. We were brothers through it all. And your song will play on without you. And this world won't forget about you. Every part of you was in your song. Now we will carry on. Never without you. Within you, without you. Here comes the sun is about you. Today, not alone with my memories. Life is strange, how things change, it's reality. You played a beautiful melody that keeps on haunting me. I can always feel you. About you. Every part of you was in your song. Now we will carry on. Never without you. Within you, without you. Here comes the sun is about. I know all things must pass, and only love will last. I'll always love the memory of you and me. Take me away. Paul McCartney dans la saga des Fab Four. Hello, this is Paul McCartney. Gadi Fab Four, c'est sur RIG. En 1973, the Lord loves the one that loves the Lord. George Harrison. Oh, say. extrait de l'excellent album Living in a Material World de 1973, Monsieur George Harrison sur RIG à l'instant. Je vous propose deux Beatles à suivre. Le premier est resté longtemps dans les placards. Il a été enregistré en 1963 mais est resté dans les placards pour ressortir en 1970 sur l'album Let It Be. C'est la version de 1963 que je vais vous faire entendre et on se demande pourquoi il est resté dans les placards parce que franchement c'était bien. La version qui est apparue sur les anthologies, évidemment. Il y a d'abord One After 909 et ensuite il y aura Hey Bulldog. Tout ça à la suite sur RG dans la saga des Fab Four 90.7. Let's go back, back, back, back, back. Sheepdog, standing in the rain. Bullfrog, doing it again. Miles. What makes you think? What do you say? I say, you don't need more. Ah, ça fait du bien de chanter cette belle chanson. Hey Bulldog, voici Revenir, l'album de la semaine, et un rock comme j'aime énormément Ringo Starr comme ça. Lui aussi est un rocker. Voici, cette chanson est sortie à l'origine, laissez-moi me souvenir, en 2003 sur l'album Ringorama. Elle est revenue sur l'album 5.1 qui est l'album de la semaine de ce soir, l'album de Ringo. Voici Eye to Eye. Attention, montez le son. And here we go. So long ago. Well, nothing's changing if you don't believe me. Look out your window. I wonder why we gotta try to see eye to eye to eye. What's mine is yours, what's yours is mine. When we see eye to eye to eye. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be?

faire de la peine à John, mais je crois que le jour où le monde sera uni, c'est pas encore. Mais on sait jamais. Il faut continuer à chanter ça, il faut continuer à aimer les belles chansons et les belles paroles comme cette chanson-là. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ringo 5.1. Sorti en 2008, et le titre que je vous propose était sorti sur l'album Choose Love en 2005, et c'est Oh My Lord sur RG. Yeah. voit à vos commentaires sur Facebook notamment que vous appréciez Ringo et ça me fait vraiment, vraiment plaisir parce que je veux être de ceux qui disent aux gens, Ringo, il est bon, il est bon, il a fait de bonnes chansons, écoutez Ringo, achetez les albums de Ringo et écoutez la saga des Fab Four, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est sur 90.7 pour ceux qui sont dans la région bordelaise. Vous pouvez venir au studio, hein, faut simplement me le dire avant et puis dans certains cas, je pourrais même faire hôtel s'il y a besoin, si vous venez de loin, on sait jamais. Et sinon, c'est sur www.rigfm.fr. La chanson suivante, c'est cadeau, elle n'était pas programmée, mais j'ai voulu faire plaisir à Tom qui en a parlé dans le groupe La Saga des Fab Four. Décidément, je rame un petit peu ce soir, je suis fatigué. Voici Big Bang Bed sur RIG. Paul McCartney, forcément. Avec un peu de retard à la cover. La cover, c'est la chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George et reprise par quelqu'un d'autre ou à moins que les Beatles eux-mêmes aient chanté une chanson de Chuck Berry ou quelque chose comme ça. Ça peut être vous aussi qui chantez une reprise d'une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George. La chanson que je vous propose va faire plaisir à Rook et à beaucoup d'entre vous. Et il s'agit de Got to Get You Into My Life, mais en version française. En 1993, au Parc des Princes, merci Eric de m'avoir prêté ce disque. Je veux te graver dans ma vie. C'est parti et je ne voulais pas m'arrêter. Là, une autoroute, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve. Là, soudainement je suis tombé. Et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Fait, tu n'as rien dit, j'étais seulement, c'est très fort. Tu ne prends pas, tu restes ici, je veux seulement j'aimer très fort. Tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Partir, je vais courir, et quand tu viens, je veux rester. Moi, je suis sincère, je veux courir, si tu ne veux pas, pas à tout ça. Tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Je ne voulais pas m'arrêter là, non. Une autre route, je l'ai subie. La folie, je ne te trouve là. Soudainement, je suis tombé. Et comme ça, je suis resté. À chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, ma pauvre vie. Alors bien sûr, le grand maître n'allait pas en rester là. Voici la même, chantée par McCartney en 1979, en live. Then I suddenly see dédié à une femme qui me manque énormément. Elle s'appelle Alexandra. Voici Beautiful Girl, l'une des plus belles chansons de George en 1976 sur l'album 33 and One Third. Et c'est sur RG 90.7. tell what he wants to do. And he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, round, round, round, round. He never listens to them. He knows that they're the fool. They don't like him. Sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, round, round, round. Oh, il était temps. J'étais en train d'écrire quand je me suis rendu compte que la chanson était terminée. L'album de la semaine, encore une fois, et avec Chrissy Hynde, cette fois-ci, le titre du morceau de Ringo Starr sur l'album 5.1, c'est Don't Hang Up, ne raccroche pas. Again. Please hang up and try again. Oui. Vous êtes bien sur RIG 90.7, la radio. Oula, c'est déjà commencé. Voici Sun Ferry and Paul McCartney. Dress like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear. Your little man. You drink it when he can, but he can't stay, dear. That's very well, but inside you shine a shell, you dance all day, dear. La surprise que j'ai eue, alors que je connaissais ce titre depuis plusieurs années, c'est Sam Ferrian. Eh bien, pour un anglais, c'est pas loin de ça ne fait rien en français. Ça ne fait rien, Sam Ferrian. Comprenez? Et voilà, le titre de la chanson. Oh, la surprise. Tiens, Julie est partie, mais elle voulait quand même nous donner un dernier petit mot. Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Ringo Starr et Thierry Gallet. Quatre garçons dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. Merci, Julie. You don't realize how much I need you. Love you all the time, I never leave you. Please come on. I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. When it hurt me, I'm feeling like this. I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what. I need you.

it's over. Now that we spread our wings, but we know better, darling, the hollow ring is only dernier extrait de l'album de la semaine. C'est toujours l'album 5.1 de Ringo Starr, sorti en 2008. Le morceau que je vous propose, c'est Elizabeth Rains. Attention! 2, 3. Help me, Captain, help me. This is it, over the hill. We don't care what flag you're waving. We don't even want to know your name. We don't care where you're from or where you're going.

extraordinaire, moi je trouve. Allez, on va arrêter là. Bien que j'aurais bien voulu passer une dernière chanson, mais j'ai décidé cette année de faire un effort. Je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute des programmes de RIG et notamment d'Eric avec son Johnny de A à Z. Et je rends l'antenne à 22h. Ça ne m'arrivait pas l'année précédente. Je vous souhaite donc plein de bonnes choses. Et la semaine prochaine, ce sera le live. Le live là qui vient de sortir des Beatles. Ce sera à l'antenne, ce sera dans la saga Les Fab Four. À très très bientôt. Bisous filles, poignées de mon garçon. À très bientôt. Ciao.